7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Voilà, bande à la planète et la familia, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on est bien à Orléans. Franchement, ça me fait plaisir que vous soyez là, toujours aussi nombreux le matin, après le Portugal, où il fait beau au Portugal, et à Orléans aussi, hein, 12 degrés au lever du jour. On va frôler les 19, voire 20 degrés pour un mois d'octobre, c'est énorme quand même, avec quelques nuages quand même, quelques pluies aujourd'hui. Mais la semaine devrait être plutôt agréable. Coucou à Jessica qui est connectée. Hein, bah, elle est pas d'Orléans, mais elle nous écoute sur le net, ça fait plaisir. Orlando qui est là aussi. Bonjour Francky, belle journée à toi. Je suis déjà au boulot dans le camion, direction le chantier. Bah oui, beaucoup de gens qui se lèvent de bonne heure le matin pour aller au taf. J'espère que l'essence, ça va mieux. On va se renseigner justement du côté d'Orléans. Si vous avez des bons plans pour mettre de l'essence encore, eh bien n'hésitez pas à nous appeler 02 38 43 48 00, et notre charmante standardiste vous recevra avec plaisir du son qui arrive avec Greg et mon pote Grégoire, des bons souvenirs de l'Olympia avec lui, et puis on aura aussi Nicky Yam, le roi de Radio Latina. 7h01, welcome, bande à la famille, on est en direct. Son rayon de soleil dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Et on démarre avec un bon souvenir, Grégoire, quel ami. J'ai plus de nouvelles, mais bon, c'est un bon ami quand même. Voici un souvenir de nous. Belle journée et bon petit déj sur Radio Arc-en-Ciel. Je n'ai plus vraiment peur, je n'ai plus vraiment froid, car aucune douleur n'est plus forte que toi. Et j'ai beau me redire, ça passera. J'ai beau tenter de fuir, tout ça ne passe pas. Et je me sens tomber bien trop loin de tes bras. Et pour me relever, je n'espère que toi. Car ça fait si longtemps que ton silence est roi. Alors si tu m'entends, d'où tu es, dis-le-moi. J'espère une minute, tu m'aimes une dispute, un souvenir de nous. J'implore tous tes mots. J'aurais dû t'avouer bien avant ton départ à quel point tu comptais, et on apprend trop tard qu'il faut tout se donner sans jamais réfléchir, ne jamais calculer, ne jamais prévenir, et toujours profiter du présent près de toi, car personne ne sait où nous guidons pas. J'espère une minute, tu m'aimes une dispute, un souvenir de nous. J'apporte tous tes mots, même tes mots de trop, un souvenir de nous. Donne-moi une minute, tu m'aimes une dispute, un souvenir de nous. Je ferme la paupière, pose ma main sur nos morceaux d'hier perdus dans cette voie. Et j'implore au ciel de me donner un souvenir de nous. Et j'implore au ciel qu'un jour tu me reviennes un souvenir de nous. J'implore une minute, tous les mots ne disputent un souvenir de nous. J'implore tous tes mots. Votre réveil matin, c'est Francky. On vous réveille tous les matins, du lundi au vendredi, 7h-9h. Coucou à la petite Jade, qui est malade. Elle est pas d'Orléans, mais elle tousse. Ouais, ça va aller mieux, j'en suis sûr. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne matinée. Le taf aujourd'hui, c'est ce que nous dit Stéphanie. Ça y est, Francky, direction la route. Je suis sur la tangentielle à Orléans. Et je t'écoute, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Bah ouais, moi aussi, Steph. Appelle-nous, 02 38 43 48 00. Aujourd'hui, des invités. Elle sera là à 8h15. C'est Laurane, candidate à Miss Curvy 2023, elle va nous parler

La météo pour ce matin en Orléans et les alentours, eh bien il fait plutôt pas mal ce matin, 15 à 16 degrés au lever du jour, c'est plutôt agréable. On va dépasser les 18 voire 19 degrés avec malheureusement un ciel couvert et pluvieux pour ce début de matinée qui arrive, la pluie qui arrive là vers 8h, 9h. Et puis au long de la journée, le soleil ne fera pas son apparition, mais le temps est plutôt agréable, c'est pas mal, c'est pas mal quand même. Demain, il fera beau demain, profitez demain, ce sera l'une des journées les plus chaudes de la semaine avec du soleil et quelques nuages. Et le week-end sera plutôt agréable, on va dire. Pas de pluie au programme pour cette semaine, mais bon, ça peut tourner. 7h11, je vous le disais tout à l'heure, il sera notre invité à 8h30 au téléphone. Jean-Pierre Savelli dit Peter, non, Peter Sloan à l'époque dans les années 80. Besoin de rien, envie de toi, ça vous parle? Et bien justement, sur l'album Romantique, extrait de ce superbe album, voici la version acoustique de Besoin de rien, envie de toi. Écoutez, c'est sur Radio Arc-en-Ciel déjà. C'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Envie de toi. Quand tu m'embrasses, oh, je suis si bien. Premier matin caresse, matin tendresse, tu es si belle. Le jour se lève, nous on s'aime. Besoin de rien, envie de toi. Comme jamais envie de personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. personne. Tu sais, l'amour, c'est à Véran qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. 7h-9h, la version acoustique de Besoin de rien, envie de toi, extrait de l'album Romantique, Jean-Pierre Savelli. Ah non, pas tout de suite Jean-Pierre, pas tout de suite, s'il te plaît. Pas mal ça pour rouler le matin, pour aller au boulot comme ça, vous ouvrez les fenêtres, les cheveux au vent, pour ceux qu'on a, et vous roulez tranquille. Voici Rec, ça j'adore, avec Maluma, histoire de vous emmener à la porte du bureau ce matin sur le chantier. Peut-être vous qui travaillez, appelez-nous 02 38 43 48 00. Maluma, Rec, bon dia la planète. Eran las 8 y 15 en la plaza de San Juan. Ibas caminando con un par de amigas más. Hacia la juguetona, como que no quieres la cosa. Me tiraste una mirada misteriosa. Yey, máteme con esa boquita, embriágame. Con tu cuerpo ven, sedúceme. Quitémonos ya la ropa, casi desnuda te ves más sexy. Para mí tú eres mi lady. Yo soy tu Maluma, baby. Amigos con derecho a tu buen provecho. Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche del viernes. Te presto mis besos y me los devuelves. Así tengo una excusa para volver a verte. Radio Arc-en-Ciel, ça on adore. 7h20 avec Maluma et Rec pour Valérie qui va bosser ce matin. Bon courage, Maluma, baby, Rec. On est bien avec vous. Peut-être au petit-déj, peut-être sous la douche encore, comme Jojo qui nous écoute. C'est la famille qui arrive. 96.2 FM, votre fréquence du matin, au boulot, au bahut, ouvrez. Au bahut, ça va être compliqué, hein, c'est vacances scolaires. On va pas vous rêver au bahut ce matin, on l'adore. C'est Gilles Caplan et tout ce qui nous sépare. On partage plus de secrets, on ne partage plus nos joints. On se dit plus trop grand chose quand on se voit. S'y brûle plus les doigts et devant tout ce qui nous sépare. Sans plus rien qui dépasse. Au nom de tout ce qui nous sépare. Ne pas si c'est comme petite balade comme ça le matin, 7h24, Gilles Kaplan, tout ce qui nous sépare, bah une vitre par exemple. On est là, Elodie qui est connectée du côté de La Chapelle Saint-Mémin, qui va au taf ce matin, il y a du monde, bah oui, il faut aller bosser un petit peu, c'est pas que les vacances scolaires quand même. Allez, bon courage à la petite Jade qui est malade, elle tousse, mais ça va aller mieux, je suis sûr que le médecin a un petit sirop, ça y est, ça ira mieux. En tout cas, je vous envoie l'Olympia. Moi, le collectif métissé, c'est ma grande famille, vous savez qu'on a bossé avec eux pendant des années, et bien le 31 octobre pour Halloween, peut-être toi, direction l'Olympia à Paris. Ouais, pourquoi pas, le collectif, ils arrivent, mon poteau, Somariba et toute l'équipe, avec Caliente Kuduro, la grande famille. On l'aura peut-être au téléphone tout à l'heure, tiens, en direct depuis Bordeaux. Aussi le collectif métissé. À l'Olympien, le collectif métissé Danza Latino. Vous allez danser le latino ce matin avant d'aller au boulot comme Jean-Pierre. Ça y est, c'est parti. Ouais, une semaine de vacances, une semaine de boulot, c'est ce qu'il me dit. Voici le remix sympatoche. Luis Fonsi, Daddy Yankee, Despacito. Belle journée. Aujourd'hui jusqu'à 18-19 degrés. Ça, c'est la bonne nouvelle. En plein mois d'octobre, on est pas mal. 7h27. Despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acerques y no seas conmigo. Despacito, quiero despertarte a veces despacito, para el baile. la escrita en ay bendito, para que mi sitio se quede contigo. Pasito a pasito, suave suavecito, lo vamos dejando poquito a poquito. 7h30 avec Despacito, Luis Fonsi, Daddy Yankee. Non, je rigole parce qu'il y a Nico qui me dit on en a bouffé du Daddy Yankee, Despacito avec Luis Fonsi. Hein. Bah ouais, un truc qui donne mal aux oreilles quand même le matin. Et puis moi j'ai eu mal à la tête un jour, c'était un 25 décembre 2016. Il nous quittait, j'avais de la peine, j'étais fan de ce mec, j'avais le poster quand j'étais gamin dans ma chambre. George Michael, pour moi c'est le slow, c'est le plus beau slow de la planète. Voici One More Try, c'est sur un arc-en-ciel, belle journée. Bon réveil, bon petit déj, bonne douche. On est en direct ce matin, 96.2 FM. C'est vrai qu'il nous manque George Michael qui nous a quitté le 25 décembre 2016. On voulait lui faire un petit clin d'œil et ça me fait plaisir de le retrouver ce matin. Que des stars avec nous tout à l'heure. On aura Lohan, candidate à Miss Curville 2023, qui sera notre invité en direct dans les studios. Et puis ça y est, je l'ai eu au téléphone. À 8h, 8h05, il sera avec nous depuis Bordeaux. C'est son Mariba du collectif Métissé. Ils seront à l'Olympia le 31 octobre. Il va nous parler justement de cette belle, belle soirée qui s'organise, qui est complet, archi complet. Et bien il sera avec nous depuis Bordeaux au téléphone. Et puis 8h30, Jean-Pierre Savelli, vous connaissez mieux sous le nom de Peter dans Peter et Sloan. Ouais, besoin de rien, envie de toi, sera avec nous pour nous parler de son nouvel album romantique. Il y a un nouvel extrait qu'on écoutera à 8h30, si ça ne tenait qu'à moi, un super slow que j'écoutais tout à l'heure en antenne. Vous allez kiffer, j'en suis sûr. Nicky Ham qui arrive, on l'adore sur Radio Arc-en-Ciel. Anne Mikama, c'est le son qui arrive. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Porque quieres engañarte, si tú bien sabes que ahí no hay amor. Es imposible que me olvidaste y que ya nuestro tiempo terminó. Dime si cuando despiertas en su cama piensas en mí. On lui pose la question un jour sur le téléphone. On est avec vous, Francky dans la radio. On est là jusqu'à 9h, ça c'est sûr. La météo qui arrive et puis l'horoscope à 8h. On aura le collectif métissé à 8h05 depuis Bordeaux. Ah, ça me fait plaisir d'avoir retrouvé son Mariba. Ouais, peut-être des places pour l'Olympia pour vous ce matin. Ah, ouais, peut-être. This is the question. Et côté Orléanais, bah, il fait pas mal ce matin au réveil. La météo. Eh bien, c'est plutôt pas mal ce matin. Moi, je me suis levé à 5h15. Et bah, franchement, le temps impeccable. Hein. Les fenêtres ouvertes et tout, on est pas mal. 12 degrés au lever du jour, ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, la petite veste tranquillos hein, ce matin. Quelques gouttes de pluie, malheureusement. Le ciel est couvert nuageux. Avec des températures plutôt alléchantes, on va dire. Jusqu'à 19, voire 20 degrés. Et demain, du soleil, des nuages. Mercredi également, du soleil, des nuages. Jeudi couvert, vendredi couvert. Mais samedi, dimanche, il va faire beau. que de bonnes nouvelles ce matin. Elle sera notre invitée tout à l'heure à 8h10. C'est Lorane, candidate à Miss Curvy 2023. Elle va nous parler de cette belle candidature. Alors c'est quoi Miss Curvy? Eh ben la réponse tout à l'heure avec elle à 8h15 en direct sur Radio Arc-en-Ciel. Elle a fait de la route en plus et ça fait plaisir. On nous écoute dans le Var aussi, dans le 83. Je vais poser des questions à côté de Toulon. C'est Rod Baron, Jessica, avec la petite qui est malade, mais ça va aller mieux, je suis sûr. Demain, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. 7h40 en direct. Le meilleur de la musique, c'est sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée.

Dis-moi-le, Rodrigo. Dis-le que tu m'aimes. Dis-le que tu m'aimes. Vas-y, je le dis. Voilà. Allez, c'est méchant. Moi aussi, je vous aime le matin, 7h-9h, c'est Frankie dans la radio. Red Bull donne des ailes. Bah, bon pour lui, hein. Il est parti ce week-end. Le créateur, le fondateur qui avait créé Red Bull dans les années 80, en 1984, l'entrepreneur Dietrich, nous a quitté ce week-end. Malheureusement, il avait investi toute sa fortune, qui est estimée quand même à 27,4 milliards d'euros. Voilà, un petit clin d'œil à Red Bull ce matin. Bon, pas de Red Bull au matin parce que ça va vous exciter pour la journée. Par contre, le café, ouais, pourquoi pas. Voici Madonna dans les années 80, justement, et Holiday. Un petit air de vacances, justement, vous qui êtes en vacances. Vous venez de vous réveiller, peut-être. Eh bien, appelez-nous, tiens, 0238 43 48 00. Take some time yourself. garage ou encore en discothèque, hein, pour les boîtes qui jouent encore du Madonna dans les années 80 avec Holiday devant la glace là en train de danser tranquillement. Et ce soir, ça y est, TF1 lance les films de Noël. Et justement, c'est quoi votre film préféré de Noël, vous? Maman, j'ai raté l'avion, c'est ce que m'a dit Elodie. Eh ouais, pourquoi pas. Voici Last Christmas, la version latina sur un arc-en-ciel. Bon courage pour le taf ce matin, parce qu'il y en a qui travaillent. Eh ouais, tout le monde n'est pas en vacances. Epa, latina. Rodrigo Ace. De todo corazón, gracias a Feliz Navidad. Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Soy un Noel, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir. Mejor lo regalo a otra. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir. Mejor lo regalo a otra. Oh, it's your boy, el latino francés. Desde París para el mundo. Tu actitud me hizo cambiar. Me escondo de ti, de tu alma helada. Hoy día yo pensé que me hipnotizaste. Yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta perder el corazón. Te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor no regalo a otra. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir. Rodrigo Hayes, Last Christmas, c'est l'habitude de la radio, sinon on l'adore. Bienvenue sur l'arc-en-ciel, 7h-9h, c'est Franky dans la radio, il est bientôt 8h, l'horoscope qui arrive dans 3 minutes. Et du son avec Crespo, Elvis, Bandit à la planète, si vous arrivez. Lauren qui est arrivée avec sa copine, ouais, candidate à Miss Curvy 2023, on va les accueillir dans moins de 10 minutes en direct ce matin. Bandit à la planète et la famille. Ton rayon de soleil, dès 7h du matin, c'est Franky sur Radio Arc-en-Ciel. Ouais, on vous réveille, hein, 7h-9h, c'est l'heure avec Elvis Crespo et Sonrisa. Algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Será tu sonrisa, será tu sonrisa. pour le sol. C'est 8h, 2 minutes en direct. 96 FM, merci d'être là, d'être aussi nombreux tous les matins. Ça nous fait vraiment plaisir, la famille, en direct. On nous écoute à Toulon aussi. On aura Somariba du collectif Métissé avec nous depuis Bordeaux à 8h, dans quelques minutes, l'horoscope. On le coupera au pire, c'est pas grave, parce que après, t'es à Bordeaux. Et puis, l'horoscope qui arrive dans moins de 5 minutes. Hermanos Valdés, ils seront en concert le 5 novembre avec Radio Arc-en-Ciel. C'est à Montission. C'est une exclusivité Radio Arc-en-Ciel. Ça va être énorme. On va passer vraiment une pure soirée. Ils seront avec nous le 5 novembre pour l'anniversaire de la radio. Ça va être du très très lourd. L'horoscope dans moins de 5 minutes. Et puis nos invités aussi qui sont installés dans les studios de la radio en direct ce matin. Hermanos Valdés et Capanegrin le 5 novembre avec Radio Arc-en-Ciel, l'anniversaire. Salle Montission. Ça va être énorme. Voici ceux qui seront sur scène. Isabella. Belle journée. Bon réveil. Direction Bordeaux, le collectif Médicé dans quelques minutes. Et puis nos invités qui viennent d'arriver. Les Miss Curvy 2022 et 2023. Peut-être. Dans les studios de la radio. Belle journée. Et gardez le sourire ce matin. 8h03 en direct. Desesperado, a tua beleza é minha certeza. 7h, 9h, c'est quoi, je suis troublé. Il y a deux magnifiques filles qui viennent d'arriver dans les studios. Elles me troublent, nos invités qui arrivent dans quelques minutes. Et puis un invité star aussi qui est avec nous, direction Bordeaux. C'est le collectif Métissé, son Mariba. On va l'accueillir dans 30 secondes. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ah, moi, je suis déguisé en Superman pour le 31 octobre. Bonjour, Somariba, collectif Métissé, ça va, Claude? Bonjour, ça va, super. Ben, J-7, on est prêt. Eh ouais, l'Olympia, ça y est, ça arrive à grand pas. Oh là là. Et j'ai vu complet, hein. C'est archi complet. Oui, c'est compliqué parce que là, j'ai des amis qui m'appellent, qui me disent, tu peux pas m'avoir ah ouais. Là, c'est, je jongle, alors, ben, dès qu'il y a un désistement, je peux aider, voilà, mais c'est vrai que c'est complet, voilà, on est content. Et ça fait plaisir, chaud au cœur. C'est le combien d'Olympia, hein? 3, 4e au moins? 4e Olympia, 2014, 2016, 2019, 2022. Alors, voilà. On va venir déguiser, ça c'est le truc. Oui, voilà, parce que c'est Halloween, et puis c'est surtout la fiesta, le collectif métissé, donc j'avais fait un Olympia avec Patrick Sébastien qui avait demandé à tous les gens de venir déguiser, c'était fabuleux. Ouais. Donc voilà, je trouve que c'est... ça rajoute un côté festif, les gens sont encore plus libérés. Plus libérés, on va se libérer ce jour-là, le 31 octobre, à l'Olympia, à Paris. Il y aura des surprises, il y aura des petites nouveautés, un exclu, non? Oui, il y aura le tube de l'été prochain, qui, à mon avis, sera un des trois titres les plus forts du collectif métissé depuis qu'on existe. Ah là là, ouais. Une bombe atomique. Franchement, voilà. Depuis le temps, il y a que des tubes. C'est vrai, on fait la fête sur vos hits encore sur Mais là, on a vraiment une bombe atomique et on va le dévoiler. À l'avance, puisqu'il ne sortira qu'au mois d'avril ou mai, mais en tous les cas, c'est vraiment le cadeau de l'Olympia. Le cadeau, on l'attend avec impatience. Le 31 octobre, vous serez sur scène, toute l'équipe, avec les danseurs, les musiciens, parce que c'est du live. C'est combien de musiciens sur scène qui jouent? Il y a 9 musiciens et choristes, plus il y a 10 danseurs et danseuses. Donc voilà, plus le collectif métissé, ça fait beaucoup de monde. Ça fait du monde sur scène, hein. Un bel Olympia en tout cas qui arrive le 31. Le nouvel album Carton, Fiesta, plein de reprises dedans. Ouais. On va s'écouter le nouveau Balada, une reprise de du Brésil. Du Brésil. Et exactement. On adore. Claude, je sais que tu es beaucoup pris. Le matin pour toi c'est le sport, levé depuis... Sport, et après je pars en répétition, voilà. Eh bien... Eh bien, merci. Hey, j'ai un ami à toi qui arrive en interview à 8h30. Tu le connais, c'est Jean-Pierre Savelli. Ah, tu l'embrasseras demain soir. Ouais, parce qu'il sort un album qui s'appelle Romantique. Et puis, bon, il va nous appeler depuis la belle ville de Toulon. Et on le rend au téléphone. Et je sais que c'est un ami à toi. C'est pour ça que je voulais te le dire. Oui, tout à fait. Voilà. Et ben, bon, mais tu l'embrasses demain soir. Et puis, on se voit à l'Olympia. Eh ben ouais, avec plaisir, Claude. Plein de gros bisous. Allez. Bisous. Ciao. Voici le nouveau collectif métissé Balada. Et c'est sur un arc-en-ciel. Belle journée. Colectivo Métissé, se va a hacer. ça me donne envie de faire la fête, ça, avec vous ce matin. Le collectif Métissé, c'est de nouveau la reprise de Balada, c'est du Brésil, Gol, nos invités qui arrivent, et ça me fait plaisir de les recevoir ce matin en direct. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. On pourrait dire même les invités du jour, deux charmantes jeunes filles dans les cieux de la Radio Arc-en-Ciel, Miss Curvy 2022 qui est là, et peut-être la nouvelle Miss Curvy 2023. Eh bien, on les accueille. On va démarrer avec Miss Curvy 2022. Bonjour. Bonjour. Comment elle va bien? Je vais très bien. Merci. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Mirella. Mirella. Oh, c'est joli. C'est pas commun. Non, c'est pas commun. Mirella, tu es de quelle origine? Alors, moi, je suis d'origine guadeloupéenne. Ah ouais, super. Bah voilà, du soleil dans la radio dès le matin. Et ça nous fait plaisir. Et puis, peut-être la nouvelle Miss Curvy 2023. Lorane, qui est avec nous, candidate à Miss Curvy 2023. Bonjour, Lorane. Bonjour. Lorane. Comment elle va ce matin? Ça va très bien. Pas trop dur le réveil? Non, ça va. Bon, ça va, quand on vient à la radio, on a la patate. Encore, vous avez la patate, vous, dès le matin, hein, t'as ah vu? Ah oui, bien qu'il est là, latino en plus, impeccable. Ah ouais, du son latino, ah nous, bah oui. Sur Radio Arc-en-Ciel, ça nous fait plaisir de vous retrouver ce matin. Alors, Miss Curvy, pour démarrer, qui peut nous dire, c'est quoi Miss Curvy aujourd'hui? Alors, je vais laisser Mirella. Mirella, bah oui, la Miss, a priori, t'as la Miss après. Bah oui. Alors, c'est quoi Miss Curvy? Alors, Miss Curvy, bah, concours de Miss pour les femmes rondes à partir de la taille 42. Ah d'accord, ok. Voilà. Il faut avoir 18 ans pour pouvoir y participer. Normal, ouais. Mais ça aventure une aventure plus humaine que vraiment un concours. Et c'est aussi pour aider justement les femmes qui ne se sentent pas bien dans leur peau. Voilà. Est-ce que forcément on est obligé de mal se sentir dans la peau de participer à Miss Curvy? Est-ce que c'est se forcer ou alors se dire je le fais parce que j'ai envie aussi, même si je suis ronde, ou c'est ça, je veux dire, tu comprends? Oui. Faut pas se dire bah je suis mal dans ma peau, je vais aller à Miss Curvy pour essayer de me dire bah après je serai peut-être mieux, je serai peut-être bien. C'est peut-être une solution aussi, mais non, on n'est pas obligé de se sentir forcément dans sa peau. On peut vraiment y participer parce qu'on a envie de participer à ce genre de concours. C'est ça que je veux dire. Oui. Toi, pourquoi avoir eu l'envie justement de participer? Tu te sentais mal dans ta peau ou alors tu te disais, ben moi j'ai envie de montrer mes formes, j'ai envie de montrer aux gens qu'on est là aussi, il n'y a pas que des bombes atomiques. Enfin bon, après des bombes, hein, franchement, moi je suis pas fan, mais bon. Alors moi je me sentais très très mal dans ma peau, j'avais un gros manque de confiance en moi. Mmh. Et merci à Miss Curvy parce que maintenant bah, je m'accepte complètement. Vraiment. Ouais. Et qu'est-ce qui vous donne la patate justement de dévoiler votre corps entre guillemets, parce qu'il n'y a pas tout non plus quand même, mais justement de mettre vos formes en avant? Qu'est-ce qui vous a motivé, toi qui étais gênée par exemple? Alors on fait beaucoup de shooting photo quand on prépare l'élection, et honnêtement la photothérapie existe et réellement ça aide vraiment, parce que se voir justement dans l'objectif d'un photographe qui en plus est bienveillant avec nous, ça aide vraiment en fait. Il vous met en confiance. Il nous met vraiment en confiance, oui. Ouais, c'est important de mettre les gens en confiance, comme nous ce matin à la radio. Vous êtes arrivés, vous êtes en confiance. On vous dit, on se parle comme des potes, comme des amis. Et ça me fait plaisir de vous recevoir, les filles, ce matin. Lorane, qu'est-ce qui t'a motivé? Alors toi, comme tu dis, la mise en confiance par rapport à mes formes, etc. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui de participer à Miss Curvy 2023? Alors, c'est un petit peu pour la même chose, parce qu'on a tous un parcours différent. Oui. La problématique est pas forcément la même pour tout le monde. Non, bien sûr. Il y en a où effectivement, moi, c'est suite à des problèmes de santé où j'ai eu un traitement qui m'a fait prendre du poids. Ouais. Donc, malheureusement, j'avais pas le même corps avant, et ce corps-là, ce nouveau corps aujourd'hui, je ne l'accepte pas. J'ai du mal. Par rapport au traitement. Au traitement. Donc du coup, je ne connaissais pas Miss Curvy. J'ai découvert grâce à une amie qui a participé l'année dernière. Ouais. Et là, on a commencé. Les premières rencontres début septembre. Mmh. Et oui, effectivement, c'est une aventure humaine. On est toutes bienveillantes entre nous. Et même si on vient pas forcément pour la même chose, on a le même but, c'est pouvoir s'accepter et être bien dans notre corps. Donc c'est vrai que on a fait des premiers shootings photos. Je suis pas encore à l'aise avec ça. J'ai du mal. Est-ce que justement, ça a été compliqué les premiers shootings, quand le photographe il dit montre un peu ton corps, etc. Enfin, je schématise là, attention. Ouais, parce que franchement, non, ils nous mettent vraiment très à l'aise. Ouais. Les premières photos ont été compliquées. Après, les premières photos, ils nous les montrent pour voir ce que ça donne. Et effectivement, on se rend compte que c'est vraiment, il nous met en valeur. Et du coup, après, il nous a pas montré, mais on attend impatiemment le résultat. Ouais. Mais c'est vrai que non, ils sont vraiment bienveillants, et ça reste dans le concombre. On est une famille, entre guillemets. C'est un cocon, Ouais. Ouais. Donc c'est une belle aventure, je pense, voilà, qui commence pour moi. Et puis bon, bah voilà, on est soutenu par les titrés de l'année dernière aussi, qui sont vraiment bienveillantes avec nous. C'est ça. Et du coup, alors la confiance, elle commence à arriver, elle commence à s'intégrer en vous. Ça y est, maintenant vous êtes plus à l'aise qu'avant, parce que tu disais, bah moi mon corps, je l'aimais pas ou je l'aime. Maintenant, tu trouves comment ton corps? Pour l'instant, j'ai pas encore passé ce but-là. Pas encore. Ça fait un mois et non, je pense que faut y aller progressivement. Et bah, j'espère, voilà, que j'arriverai vraiment. À me dépasser, à avoir confiance en moi, une estime de moi et m'accepter comme je suis et me dire que je suis bien comme ça. Et puis ceux qui n'acceptent pas, bah voilà quoi. Bah, tant pis pour eux, tant pis pour eux, hein. Voilà, exactement. Ouais. Et le regard, le jugement des autres, vous avez des retours un petit peu, dire, ah ouais, c'est magnifique ce que vous faites, les filles, bravo, continuez. Après, il y en a peut-être qui vous le disent pas sincèrement, honnêtement. Qu'est-ce qui vous motive encore ça, les gens de votre famille, des amis qui ont vu des photos, qui vous ont vu et qui disent, bah super. Oui, moi j'ai mes amis qui sont proches, qui effectivement sont super contents et fiers de moi d'avoir passé le cap et voilà de me lancer dans cette aventure, parce que même mon fils le premier quoi, c'est mon plus grand fan. On le salue. Comment il s'appelle ton fils? Mathéo, il a pas d'école aujourd'hui. Il est en CAP, mais on cherche encore un patron. Ah, c'est dans quoi? Bah, on lance un message. C'est dans quoi il cherche? Dans la vente. La vente, et c'est de Orléans ou 41? Non, 41. 41. Bon, on lance le message au cas où. On sait jamais, un mec qui passe par là, qui a un magasin de fringues. C'est quelle vente? Les fringues. Il veut pas de la grande surface, fringues, de tout. Il est sauf de la grande surface. Et alors comment on prépare justement Miss Curvy 2022, toi, la Miss Curvy, tu es là. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment on prépare ce concours, l'avant, il y a quoi? Il y a des photos, il y a quoi avant justement tout ça? Alors oui, on fait beaucoup de shooting photo. On passe par plusieurs étapes. On est évidemment dans les shooting photos. On commence tout doucement. Donc là, justement, la semaine dernière, on a fait un shooting photo tenue de ville. Ouais, donc elle venait vraiment, voilà, habillée comme elle voulait, avec la propre personnalité. C'était au choix. Voilà, c'était au choix. Ouais. On avait aussi la photo officielle. Et ensuite, là, on a un autre shooting qui est prévu très bientôt. Donc c'est un shooting imposé et maintenant tous les shootings seront des shootings imposés avec des tenues prêtées, etc. On vous prête des fringues. Oui, ouais, d'accord. Voilà, parce qu'on a des partenaires. Donc on travaille avec des partenaires. C'est bien, heureusement, ça, pour financer un peu aussi des fois. Pour les fringues déjà, c'est bien. Alors les tenues, il y a combien de tenues? 1, 2, 3, 4, 5, il y en a combien? Là, sur le nombre de shooting photos, en effet, il va y avoir pas mal de tenues. Par contre, sur l'élection, on a 5 tenues. D'accord, officielles. Voilà. Et 5, donc ça fait 5 grosses photos, alors après, qui seront publiées. Il y aura plus de photos, du coup. Il y a plus de photos que de tenues sur l'élection. Alors, ça va se passer où, l'élection de Miss Curvy 2023? Alors, c'est toi qui sera l'ambassadrice, on va dire. C'est ça. Ouais. Et du coup, ça se passe à côté de chez moi, ça sera dans le Loiret. Dans le Loiret, ben voilà. Vive le Loiret. Ça sera où? À Loris. Loris, c'est à côté de d'où? Loris, plus près de Montargis. Entre Montargis et Orléans, on va dire. C'est ça. Voilà, une belle ville. Donc, dans une salle, etc., organisée, décorée aux couleurs de Miss Curvy. C'est ça. Alors, comment ça va se passer? Il y a un jury. Il y a un jury. Il y a un défilé. Explique-nous un petit peu, Laurent ou Miss Curvy, peut-être, toi, tu connais. Oui, plus Mirella, parce que du coup, moi, je suis pas. T'arrives, quand même. Je te dis pas tout, parce que. Non, mais oui. Alors, oui, il y aura un jury, évidemment. On a aussi des votes SMS. Ah, bien, comme à la télé. Oui. Et vote public sur place. D'accord. Donc les votes SMS plus public comptent pour 40%. Et le vote du jury, du coup, compte pour 60%. D'accord. Et à la fin de la soirée, on sait qui est la Miss, alors? On sait qui est la Miss à la fin de la soirée. Ça c'est quoi, Laurent, toi, d'attendre de ce jour-là? Tu vas appréhender? Je pense que oui. Le dernier mois, je pense que voilà, on va avoir des répétitions. Là, on va vraiment rentrer dedans. Je pense que le stress, il va monter. Ouais. Le stress ce jour-là. Ouais. Ouais. Je pense que ça va être. T'es soutenu quoi par la famille, les amis, des gens sur Internet? Voilà. On a une page Facebook chacune. Ça s'appelle comment? Alors moi, c'est Laurent candidate Miss Curvy Centre 2023. Ouais. Et puis après, on a une page Instagram aussi. Donc pareil. Laurane, c'est Laurane, mais là c'est pas Miss Curvy, c'est candidate M Curvy. Donc des gens que je connais pas qui me soutiennent, et puis moi j'ai fait un petit peu aussi mon petit tour, comme là ce matin à la radio d'ailleurs justement, hein. Et puis moi j'ai l'avantage d'être la seule candidate du Loir-et-Cher. Vive le 41, on la salue. donc voilà, après c'est vrai que je vais faire ma pub et puis il nous reste quelques mois encore. C'est quelle date la date officielle de l'élection? C'est au mois de mai, je crois, non? Oui, au mois de mai, oui. Donc un peu de préparation. Ce jour-là, toi, Miss Curvy 2022, Ça va t'embêter de donner ton écharpe à une nouvelle Miss Curvy? Tu vas faire quoi après alors? Alors non, ça va pas m'embêter. Je pense qu'il va y avoir beaucoup d'émotions surtout. Ah ouais, tu vas pleurer comme. Oui, je pense que je vais beaucoup en pleurer. En général, les Miss, ça pleure. Oui. Hein. On pleure souvent quand même. Oui. Ah, vous pleurez à chaque photo, on pleure. Et puis, je croise les doigts parce que j'ai aussi mon national qui se passe un mois avant. Ah, bien, voilà. Bien, ouais. Donc, on verra ce que je ferai après, justement, par rapport au national aussi. Ah. Voilà. On va aller la soutenir. Ah oui, en national, c'est bien ça. Oui. La suite, Laurent, pour toi, si jamais tu es élue Miss 2023, il y a quoi dans cette année magique? Après, c'est comme un peu les Miss, tu vas te balader, tu vas voir un peu ce qui se passe dans la région. Alors oui, on est invité bien souvent sur des prestations pour représenter le comité. Alors bien sûr, voilà, toujours dans la bienveillance et puis représenter au mieux bien le comité. Sûr. Et donc voilà, donc après on verra. On verra. On croise les doigts. En tout cas, une belle aventure, les filles, quand même. Oui. Mais oui. Miss Curvy 2023, ça sera le mois de mai. C'est quelle date? C'est aux alentours. Le 20 mai. Oui, le 20 mai. Le 20 mai. Eh ben, on vous souhaite plein de belles choses. Merci beaucoup. On vous remercie d'être venu ce matin sur Radio Princelle en direct, là, pour parler justement de Miss Curvy, qu'on ne connaît pas forcément. Parce qu'il y a qui. On n'en parle pas assez. Ouais, mais pourquoi on n'en parle pas, justement? Les médias, ils font quoi, là? Eh ben, justement, ça. Bon, voilà. Faut gueuler en cours. Faut appeler la RAD, faut appeler France 3. Moi, je vais te donner des numéros. Attends, faut les appeler, les mecs. C'est en cours. Faut arrêter. C'est toujours les mêmes qui passent dans les journaux. Non, mais c'est vrai que c'est pas assez médiatisé. Et pourtant, ça existe depuis très longtemps. Mmh. Et donc, mais on va arriver en force. Je vais te donner un exemple. Lundi dernier, j'avais une invitée. Ça a ému parce qu'elle nous a parlé de l'enfant qu'elle a perdu, malheureusement, qu'elle a pas voulu, etc. On en a parlé pendant une heure quasiment. C'était émouvant, très émouvant. Et du coup, tu vois, comme quoi, elle a été contactée par la REP, la République du Centre, qui ont fait un double plage sur elle, tu vois. Voilà, tu vois. Donc comme quoi. Ah, peut-être que la REP va vous passer un petit coup de téléphone. Parce qu'ils me suivent, hein, je vois, ils me piquent mes invités, hein, enfoiré. Non, je les salue au passage, mes amis de la REP que j'adore. Les filles, on va commencer avec toi, Miss Curvy 2022, si tu veux bien. Un dernier mot à rajouter pour finir ce bel interview avec vous. Eh ben, c'est surtout un message aux candidates qui vont certainement nous écouter, qui nous écoutent déjà. Surtout qu'elles s'amusent et qu'elles profitent parce que ça passe très très vite. Ouais. Et c'est que du bonheur. Que du bonheur. Oui. Et un message aussi pour celles qui aimeraient, qui écoutent l'émission. Tiens, moi j'ai un peu de forme, j'ai un peu de ça, j'ai un peu de ci. J'aimerais bien participer l'année prochaine pour 2024 alors. Eh bien, mon premier mot c'est foncer. Voilà. Vraiment foncer. Ouais. Elles ont peut-être peur, mais non, n'ayez pas peur, allez-y. Il faut pas avoir peur du tout. Laurane, peut-être la nouvelle Miss Curvy 2023. Je vais te laisser le mot de la fin, Laurane, si tu veux bien. En tout cas, merci pour ton invitation. Bah, je t'en prie, tu en as quand tu veux, hein. Même si je te fais les clés après, le badge plutôt. Hein. Et puis voilà, je vais avancer dans mon aventure. Je vais tout faire pour arriver à mon but. Mmh. Et puis comme on dit, Inch'Allah, pour Inch'Allah, l'élection, voilà. Quoi. Bon et nous on va te suivre. Et puis élu ou pas élu, on espère pour toi, croisez-nous, hein, j'espère. Oui. Et puis tu vas nous voir pour nous après, en parler. Après ce sera déjà même si je suis pas titré, voilà, pour moi c'est déjà gagnant d'être sur une scène. Mais nous tu viendras nous voir quand même. Titré ou pas titré, tu reviendras nous en parler. Avec plaisir. L'aventure, tout ça, tu vas nous raconter. Avec plaisir. Hein, qu'est-ce que vous avez fait dans les loges? Vous avez mangé quoi? Vous avez fait quoi? Hein? Après on t'invite avec grand plaisir. Ah, mais je suis pas mal pris, mais si j'ai un peu de boulot, si j'ai un peu de temps, avec plaisir. Et moi j'avais une question. C'est facile pour pécho les mecs, ça, d'être miss ou quoi? Si vous cherchez un mec par exemple, peut-être marié, je veux pas dire ça avec d'autres mecs, moi. Mais c'est vrai que depuis qu'on a fait nos pages, on reçoit pas mal de messages. Je vais faire miss alors, moi. Miss Curvy aussi l'année prochaine. Il y a Mister, l'élection. Mister. Non, mais moi je mets une perruque. Moi je mets une perruque. En tout cas, merci de votre bonne humeur, les filles. Merci. Ça me fait plaisir. Miss Curvy. Bonne journée à vous. Merci sur Radio Arc-en-Ciel. Et puis on suit votre aventure de très près. Vous reviendrez avant le mois de mai, nous en reparler. Avec plaisir. À très bientôt. Belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. Ah, ça fait plaisir de voir des belles filles le matin comme ça à la radio. 8h26 en direct. Tous ces moments en direction Toulon. À côté de Toulon. Je crois que t'es Toulouse, je sais plus. Je suis perdu dans les messages. Jean-Pierre Savelli qui sera avec nos téléphones dans moins de 10 minutes. Peter Essone, vous rappelez d'années 80? Eh bien, il a fait un nouvel album qui s'appelle Romantique. Il sera avec nous depuis cette belle ville. Tous ces moments qu'on a partagés. Jamais je n'oublierai, ni renierai le passé. Remonter le temps, quand on s'est aimé, n'aurait pas de sens et n'aurait rien pu changer. Les souvenirs qui font renaître des sentiments de toutes ces nuits

8h38, vous l'adorez sur Radio Arc-en-Ciel ce matin, 19 degrés, des nuages, de la pluie, des nuages, de la pluie, mais demain, normalement, il devrait faire beau. Bon réveil! 8h38, quelle voix. Voici le nouveau Kenji. Elle est belle, cette chanson. Le monde autrement dans tes yeux et va. Tout mon amour en grand dans tes yeux, je vois. Comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant. Et le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. Et t'as fait de moi un papa. Papa. Ça change un peu, hein, Kenji. Ouais, avec la caravane. Kenji, Eva, Jean-Pierre qui est arrivé. Normalement, on attend Jean-Pierre Savelli. Il nous appelle depuis Toulon. Normalement, hein, si tout va bien, j'ai envoyé un petit message. Peut-être qu'il n'est pas levé. En tout cas, Jean-Pierre de la radio, il arrive à 9h. Il est là déjà, là, le mec. Hein. Ça m'a fait plaisir de recevoir les Miss Curvy ce matin, d'avoir Collectif Médicis aussi au téléphone, parce que l'Olympia, c'est le 31. 0238 43 48 00, c'est le numéro du standard. Vous pouvez nous appeler, allez-y, lâchez-vous au standard. Il y a la standardiste, elle a mis une perruque, elle est prête. 8h41 en direct, le meilleur des souvenirs. Et puis normalement, direction Toulon, avec le nouvel album de Jean-Pierre Savelli, Romantique, le deuxième extrait. Si ça ne tenait qu'à moi, il est magnifique et on va l'écouter dans quelques minutes. Voici le docteur Alban et puis Jean-Pierre, le vrai. C'est pas le même celui-là, il est là, dans les studios, on va parler un peu avec lui, on va le questionner comme au commissariat. Je vais préparer les annuaires pour lui mettre des coups sur la tête. Allez, belle journée, bon réveil, voici Dr Alban, le meilleur des années 90. n'est pas le sachet. Oh là. On passe plus en boîte, ça aussi. Ça passe encore en boîte, ça? Oh, je sais pas. Si, ça passe. Nous, on le joue dans les boîtes. Hein. Oui, oui, oui, oui. C'est marrant. Ah non, c'est... C'est à l'ancienne, ça. Ah ouais, mais c'est du bon son. Moi, j'aime bien, moi, Docteur Alban. Hein. C'est du bon son. Ouais. Et ouais, je me suis dit, on attendait Jean-Pierre Savelli. Bon, ben, j'attends qu'il me rappelle. Hein. Il est toujours pas. Peut-être qu'il s'est endormi. Peut-être. Pas. J'ai envoyé un message, en tout cas. Hein. Voilà. En tout cas, nous, on a Jean-Pierre d'Orléans. Il est là. Ben voilà. Ils ont un bien, envie de toi. Ouais, pas tout de suite. Attends, non, on va attendre. Oh, du calme. L'invité du jour, hein, avant Jean-Pierre Savelli, bah, il est là. Écoutez. Normalement, si ça parle, la machine. Il est problèmes. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Il est vieux, il a de l'arthrose. Salaud. Non, je parle pas de toi, je parle de la machine. J'appuie sur les boutons, je sais pas, il y a un truc qui est pas parti. Je sais pas non, ça me fait plaisir, il y avait longtemps que tu l'avais pas mis ça, donc c'est bien, c'est très bien. Exactement, l'invité du jour, normalement, dans le bon téléphone, j'espère qu'il va nous appeler quand même. Parce qu'il... Mais parce qu'il a sorti une nouvelle actualité, c'est ça. Ouais, c'est ça, un nouvel album romantique. Ouais, et il y a un titre dedans que j'aime bien, c'est « Si ça ne tenait qu'à moi ». J'aime bien. On va l'écouter quand même, hein, même s'il m'appelle pas, tant pis, on les appellera plus tard. Hein. Ouais, donc, tu l'auras demain. Ouais, ou demain, ouais. Non mais c'est un mec bien. Moi en tant qu'artiste, j'aime ce qu'il faisait, ce qu'il fait. Il a pas l'air de se prendre la tête. Et oh, il est bien, il est bien. Puis nous, ils sont en retard ou pas en retard, on s'en fout. Hein. Nous, l'émission va continuer. Hein, bon, bien sûr, jusqu'à midi, y a pas de moi, problème. Moi, je prends l'antenne jusqu'à demain. Hein, je fais. Hey, tiens, j'avais une idée. Si t'es d'accord avec moi, je voulais faire un non-stop radio, tu vois, genre un truc qui finit pas. On pourrait faire ça un lundi. Eh ben écoute, moi ça t'intéresse, toi. Alors moi, je serais partant parce que je suis assez taré pour ça. Je suis comme toi. Donc non, je serais partant. Faut demander à la direction d'abord, parce que oui. Sinon on va se faire engueuler. Hein. Mais non, moi je serais partant, ouais, sur un truc. Mais ça fait des années, alors je veux dire, ça fait des années faire que un j'ai truc pensé. De ouf, hein, tu vois, vraiment. Genre, je démarre le matin à 6h, on arrête à minuit, quoi, tu vois. Tu serais partant, toi? Ah, moi je serais partant. On le fait à deux parce que tout seul, j'ai rien. Non, mais je serais partant, sans aucun problème. Ah, bah bon, bah voilà, bah je vais soumettre ça à la haute direction. Il n'y a pas de soucis. Dès qu'ils sont réveillés. Tu me tiens au courant. Je les appelle. Comment il va, Jean-Pierre, ce matin? Bah écoute, ça va, j'espère que t'as passé un bon week-end. Ah bah ça a été avec mon pote le petit Camille de The Voice, tu l'as vu? Ah ouais, il déchire. Je vais te le refourguer celui-là pour une. Ah, y a aucun problème. Super gamin. Eh, il a assuré le mec. Waouh. Eh, Camille là, The Voice Kid là. Eh ben faut le voir en vrai. Hein. Moi je le connais depuis longtemps, hein, son daron. Et je l'avais vu tout bébé déjà lui. Alors t'imagines. Et là je l'ai vu là, il a tout déchiré. Ah non, le mec. Moi j'ai vu des vidéos là. C'est il assure le mec. Extraordinaire. Petit gamin là, il a la patate sur scène. Hein. Jean-Pierre Savelli. Jean-Pierre. Oui. Bah fais style. T'es Jean-Pierre Savelli comme ça. Oui, bon. Bonjour mon Francky. Bonjour. Alors besoin de rien, envie de toi, c'est fini. Oui, c'est fini parce que Sloan. C'est fini entre vous. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, on va l'avoir au téléphone, j'espère. Même si tu débordes un peu, c'est ça pas te dérange grave. Pas toi. Moi, t'es habitué, mais non, mais on fait qu'il en tout cas, j'ai eu le collectif métis, et lui, bah lui, à 6h, il est réveillé, il est au sport, hein, somme, mon pote, hein, depuis Bordeaux, hein. Oh, bah lui, c'est un sportif à fond. Mais c'est un ouf de sportif, lui. Avant, alors, je te dis une chose, hein, je suis honnête, hein, Claude, il me connaît très bien depuis 30 ans, on se connaît, avant, il faisait pas de sport, Claude, hein, il était comme moi, hein, tu vois. Beau gosse, quoi. Et maintenant, il a changé, le mec, hein. Waouh, il a métamorphosé, hein. Alors, je le suis sur les réseaux sociaux, effectivement, il est, tous les matins, à la salle de sport. Ouais, c'est un truc de fou. Et le mec, il arrive à 6h à la salle de sport, hein. Il bouffe la salle de sport, hein. Il va falloir qu'on fasse pareil, quoi. Il a les clés, le mec. Ouais, non, on a pas besoin, nous. Non, bah vas-y, toi, tu vas en premier demain matin. Par contre, moi, je pourrais y aller avant d'aller à la radio, hein. Bah oui. Ah, là, il faut que je me lève à 4h, t'imagines, toi. Mais tu te lèves à quelle heure pour venir ici? Bah, ça dépend, 5h15, 5h30. Tu dors pas, en fait? Bah, pas beaucoup, parce que moi, j'ai du mal à dormir, donc ouais, je dors un petit peu quand même, mais pas beaucoup. Mais je rêve la nuit, donc je rêve de toi. Ah. Oh, t'es un amour. L'émission qui va démarrer à 9h, normalement, si tout va bien. Ouais. Le programme, bah, de Portugal, déjà. De Portugal, dans la... Non, alors moi, il y a musique française, portugaise. Ah, d'accord. Okay. Ouais, moi, il y a les variétés un peu pour tout le monde. D'accord. Enfin, voilà. Je pensais qu'il y avait que le Portugal. Non. Alors, mes collègues, enfin, les collègues du... Ouais, nos collègues, on salue. Voilà, du mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est exclusivement portugais, mais moi, non, je fais un petit panachage de musique française, portugaise. Non. Ok, et parce que moi, quand j'arrive le matin à 6h30 ici, il y a RDP International. J'aime bien. Il donne mal à la tête, le mec. Non, mais sérieux. Ah, ils ont un débit de parole qui est extraordinaire. Hein. Ah, il donne mal à la tête, le mec. Ouais. Hein. Moi, j'adore, hein, mais il donne mal à la tête. Hein. Mais c'est vrai que quand tu regardes les chaînes info portugaises, il parle vite, hein. Il parle hyper vite. D'ailleurs, je comprends pas grand chose, voilà. Mais il parle encore plus vite que son nom, hein. Pire que le Kiduk, celui-là. Ouais. Mais tu t'aurais dû aller visiter les studios télé. Ouais, il faudrait agir. J'aurais dû aller à Radio International. Non, mais je pourrais t'emmener à la SIC, à Lisbonne. À Lisbonne? Ouais. D'accord, bon, on ira en couple, hein, tous les deux. Voilà. Avec plaisir, mon amour. Ta femme va gueuler. Oh, ta femme a des problèmes avec ta femme. Hein. Non, elle m'a dit tant que c'est avec toi, elle s'en fout. Ah, bah ça va alors. Bon, bah voilà, nouveau couple. En direct, ce matin. Bon, il y a des trucs à vendre dans ton émission. Il y a des demandes d'emploi, des offres d'emploi. Des offres d'emploi. Ah, c'est d'emploi, des plaquistes. Alors, plaquistes. Donc, on est toujours dans... Je t'attends. Dans les bandes. Dans les bandeurs. Des bandeurs. Enfin, on cherche des bandeurs. On cherche des bandeurs. Voilà. Il y a une entreprise qui cherche des bandeurs. Et après, alors la semaine dernière, j'ai quand même un. T'as trouvé un mec qui fait des bandages. Ouais, qui m'a dit, c'est pas, tu dis pas bandeur, tu dis un jointeur. On dit un jointeur. Ah, bon bah. Mais enfin, c'est ouais, vrai. Ouais, mon frère, bonne marée. Attends. Voilà. Donc, effectivement, il a raison. Ouais, c'est vrai qu'en théorie. Tranquille. En théorie. Jointeur. Ouais. On cherche des jointeurs. C'est ça. Si vous êtes jointeur, appelez-nous, mon frère. Hey, brother. Vous nous appelez. Mais c'est vrai qu'il m'avait dit, voilà, on dit jointeur, mais c'est vrai, si tu veux, dans le bâtiment, quand tu dis, bah voilà, je cherche un bandeur, tu sais que c'est pour faire des bandes sur le placo. Voilà, c'est pour le placo, voilà, c'est ça. On cherche des jointeurs et des jointeurs. Ouais, mon frère, tranquille, il y a Bob Marley qui arrive juste après. Puis des bandeurs aussi. Ah, mais je savais pas que ça existait. Mais plaquiste, si. Plaquiste aussi. Et il y a des, ah, c'est mon portable, ça. Désolé. Plaquiste et... C'est en silencieux. C'est pour ça. Et ouais, j'ai bien l'heure. Et bandeur et plaquiste et d'autres offres d'emploi que j'ai plus en tête, mais qui sont voilà. Bah c'est bien, on trouve du boulot chez toi le matin. Bah écoute, ouais. On essaye de trouver du boulot. 8h52 minutes, il y a disque à la demande aussi, ça, c'est le rituel du matin, 9h midi, hein. C'est ça. Vous appelez 0238 43 48 00, je leur donne, c'est pour Jean-Pierre Savelli, c'est mes goûts. Depuis 2007, mon ami. Ah la vache. Le 7 décembre 2007. T'es un dinosaure de la radio, toi, hein. Eh bah écoute. Bah moi je regardais, ça fait 7 ans que je suis là. Eh, ça va vite, hein. Eh, ça passe vite, hein. Ça va vite. J'ai pas changé, j'ai vu la première photo que j'ai prise ici, la dernière, j'ai la même tête, hein. C'est pas rien du tout, hein. Comme quoi, hein. Comme quoi, 52 balais, t'as vu, il est toujours là. Gars, hein. Ouais. Jusqu'à la fin. Mais c'est là qu'on est beau en fin de compte. Ouais, c'est ça, Adrienne. Bon bah Jean-Pierre, j'espère avoir Jean-Pierre Savelli avant 9h. J'espère. Je vois l'horoscope, c'est que tu l'as déjà donné, non? Tu non, je l'ai pas fait encore. Tu veux qu'on le fasse? Ah bah vas-y. Alors moi j'attends ces balances. Mais vas-y. Ah tu voulais les balances, toi. Bah je vais essayer, j'espère que ça va être bon pour toi. Et bah justement l'horoscope il arrive. Allez. L'horoscope, c'est maintenant. Et tout est en direct ce matin. Et j'adore l'horoscope, et on démarre ce matin avec les béliers. Et puis là il va appeler, c'est sûr. Vous vivrez des moments très intenses. Tout va pour le mieux pour vous aujourd'hui, les célibataires. Les taureaux, les influx astro intensifieront vos sentiments et vous risquez de vous montrer jaloux et très possessif aujourd'hui. Les gémeaux, vous aurez tendance à en demander beaucoup à votre partenaire ce matin. Les cancers, vous devenez de plus en plus vulnérable. C'est moi ça. Face aux contrariétés, bah oui, de la vie, bah oui, je suis comme ça moi. Les lions, vous rugissez de plaisir ce matin, comme la pub des années 80, bah oui, c'est comme ça. Vous saurez faire de la vie à deux une belle aventure. Et ben voilà, qu'elle continue la vie. Les vierges, vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté de vous laisser emporter dans des méandres de la passion. Ah, ça c'est pour ma moitié. Les balances, sachez profiter des instants de bonheur qui sont à votre portée. Les scorpions, célibataires, vous êtes prêts pour un coup de foudre aujourd'hui qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus sérieux. Les sagittaires, t'es quoi comme signe toi? Moi balance, je viens de le passer là. Ah ça va. Ouais, ça va. On va revenir après dessus. Bon, préparez-vous à un programme de détente et d'évasion à deux, les sagittaires. Les capricornes, grâce à vous, votre entourage se mobilisera autour d'un projet à long terme. Les verseaux, il vous sera difficile de ne pas vous laisser submerger par vos émotions. Et les poiscailles, les poissons, ne croyez pas les mauvaises langues, à moins que quelques indices ne vous aient mis la puce à l'oreille. Alors, les balances, je reviens en arrière avec ma petite souris. Sachez profiter des instants de bonheur qui sont à votre portée. T'en profites, toi? Ah non, mais ouais, ça va. Moi, je profite. Bah, si tu veux, faut profiter de la vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Faut pas se poser de questions. Ouais. Il faut vivre la vie à 100%. On n'a qu'une vie. Ah ouais, 200 km/h. Moi, je la vis. Exactement. Moi, je dors pas. Je fais des trucs de ouf, moi. Voilà. Coco, tu nous écoutes. Je veux la saluer, Coco. On y va. Voilà, c'est parti. À moins que Jean-Pierre m'appelle avant 9h. Mais si on coupe l'antenne, hein, nous, on prend comme. JP, déconne pas, bordel. Appelle. Allez, appelle-nous. Et ben, justement, JP, on va l'écouter. Tiens, tu veux ton nouveau signal? Ah, moi, je veux bien, ouais. Faut juste que je trouve le bon bouton. C'est celui-là. Voilà. Voici le nouveau Jean-Pierre Savelli. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aimerais sans tort. Sans lasser de tes bras, mais cela s'entend. Si ça ne tenait qu'à moi, sans toi est une heure perdue. Quand tes yeux me sourient, moi je ne vois plus rien autour. Tu effaces tout le gris d'un ciel qui devient trop lourd. D'une caresse de velours, tu effaces l'ennui sur terre. Tu m'invites à l'amour. Je me porte volontaire pour des siècles et des millénaires. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aimerais sans tort. Sans placer de tes bras, mais cela s'entend. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne dormirais plus. Sans toi est une heure perdue. Tu es toute ma vie depuis notre tout premier jour. Je ne connais plus la nuit, je ne connais que l'amour. Tu as changé le cours d'un destin bien trop solitaire. Tu m'as donné tout court. Sur terre, celui d'être mari et père. Si ça ne tenait qu'à moi, je t'aimerais sans temps. Je t'épouserais cent fois à chaque printemps. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne dormirais plus. Une heure passée sans toi, et tu n'as perdu. Aussi ça ne tenait qu'à moi.